Section 60 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 60. Le secret de ma tante Séphirine, par Édouard Pailleron, de l'Académie française. Ma pauvre tante Séphirine, je la vois en fermant les yeux. Les tout-petits aiment les vieux. Puis elle était notre voisine. Je m'échappais à chaque instant pour aller la voir tricotant. De sa main blanche, alerte et fine, ce n'était pas bien gai. Pourtant, ma pauvre tante Séphirine. Je la trouvais au coin du feu, dans ses vieux meubles de l'Empire, où l'âme d'un passé respire, tricotant toujours, parlant peu. Mais les sphinx dorés sous les gaz, les lyres d'albâtre, les vases et les tiroirs qui sentaient bon, tout me jetait dans des extases, et peut-être aussi le bonbon. Vêtue en mère grande, coiffée d'un éternel bonnet de nuit, pâle, sombre, marchant sans bruit, pour moi, c'était comme une fée. Personne ne la venait voir. Elle ne sortait de son ombre qu'une fois l'an, mais tout en noir, et ne revenait que le soir, encore plus pâle, encore plus sombre. Et quand je demandais pourquoi, n'étant pas d'âge où l'on devine, ma mère répondait « Tais-toi, c'est le secret de Zéphirine ». Je m'asseyais à ses genoux, lisant un livre où l'on s'applique, sentant sur moi le poids si doux de son regard mélancolique. Elle abandonnait son tricot et restait là, sans dire un mot, sans bouger, comme inanimée, sans m'embrasser même. Et pourtant, pourquoi donc moi l'aimais-je tant et m'en sentais-je tant aimée? Parfois, je bâillais un peu fort, quand j'étais lasse de me taire. Elle, comprenant mon effort, ouvrait la commode au mystère, cette commode d'acajou, dont les tiroirs sentaient les roses. Et elle en tirait un vieux joujou, du milieu de beaucoup de choses, en me disant « Prends-en bien soin ». Et j'allais jouer dans un coin, avec ce vieil objet à franges, usé, terni, sans forme et laid, mais magnifique il me semblait. Les enfants ont des goûts étranges. D'autres jours dont je me souviens, quand j'entrais, elle disait « Viens ». Sa figure était singulière. « Viens nous amuser, si tu veux ». Puis elle arrangeait mes cheveux et m'habillait à sa manière, d'ancien chiffon tiré aussi de l'inépuisable commode. Et lorsque j'étais faite ainsi, les bras nus, à la vieille mode, elle disait « Dis-moi, maman », et me suivait obstinément, de cet œil sec, rouge et qui brille, des gens qui pleurent en dedans, et murmurait entre ses dents « Ma fille, ma fille, ma fille ». Mais quand je demandais pourquoi, n'étant pas d'âge où l'on devine, ma mère répondait « Tais-toi, c'est le secret de Zéphirine ». Jour qui ne devrait pas finir, à quel prix de bonheur s'achète? Que de pleurs pour un souvenir, fleur d'adieu que le temps nous jette. Un matin, ma mère me prit, entra chez elle, ouvrit sa porte. Ma tante dormait sur son lit. Et l'on me dit qu'elle était morte. Moi, je pleurais, mais sans penser que la mort était si cruelle. Et comme alors, pour l'embrasser, ma mère me penchait sur elle. Je vis à son cou le portrait d'une enfant qui me ressemblait. Je suis à l'âge où l'on devine. Maintenant, je sais son secret. Ma pauvre tante Zéphirine. Fin de la section 60, enregistrée par Margot.